J'aimerais t'en voir Syracuse, l'île de Pâques et Kéros, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone, et le palais du grand lama, rêver des amants de Vérone, au sommet du Fujiyama, voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient parti. J'aimerais t'en voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris. Souvenir. Ah.